Cartographie des mémoires à Handaï. Tu te trouves dans le quartier du centre-ville, rue de l'Église, sur une place entourée de bâtiments aux volets et aux balcons bordeaux. À ta gauche, il y a la fresque d'une jeune femme avec son sac sur le dos. Et si tu tournes la tête à droite, tu verras les vitrines de la Cité des Mémoires. C'est bon ? Alors on peut commencer. La rue qui se trouve devant toi est le premier contact avec l'espace public pour les filles qui étudient au lycée Aïspourdi. Avance un peu plus sur la route. Tu vois les fenêtres du lycée sur ta droite ? À l'entrée, il y a une statue de licorne. Tu la vois ? Les filles se forment dans les domaines de la coiffure, de l'esthétique et du service à la personne. Alors oui, c'est vrai, il y a aussi quelques garçons, mais comme la grande majorité est féminine, je vais parler des élèves au féminin. Toutes les élèves sont pour la plupart internes et tu les as certainement déjà croisées les lundis matins ou vendredis après-midi avec leurs valises sur les trottoirs du boulevard du Général de Gaulle. Elles viennent de Bayonne, Dax, Orthez, Cabreton, mais en période scolaire, de lundi à vendredi, elles sont handaïaises. Elles connaissent le centre-ville par cœur. Elles en parcourent les rues, les escaliers et les recoins. Après les cours et les mercredis, elles vont à la médiathèque, au café, à Belsenia, au marché sur la place et rentrent le soir à l'internat. À Handaï, pour les filles, tout est question de trajet et de distance. Au fil des années, elles ont fait corps avec Handaï et si on pouvait les examiner, on trouverait sans doute un plan de cheminement d'après le réseau de leur vaisseau sanguin. Leurs souvenirs resteront intimement liés à la géographie de ce quartier et son épicentre est le lycée. Choisis une fenêtre du lycée. N'importe laquelle. Tu vois, c'est sûrement dans cette salle qu'Inès a réalisé qu'elle n'est pas faite pour la coiffure. Après son bac, elle va partir en fac de socio à Bordeaux pour devenir psychologue. Regarde une autre fenêtre. Clara, elle adore être au lycée. Elle s'y sent comme dans une bulle, protégée. Allez, encore une autre. Magali, elle aimerait mettre du verre partout autour du lycée et des bancs où s'asseoir et discuter. Ok, juste une dernière. Maya, tu vois, de sa fenêtre, elle regarde les balcons de l'immeuble en face et se demande qui a bien pu lui vider un seau d'eau sur la tête. Oui, parfois la ville n'est pas très agréable avec les adolescentes. Mais il y a des gens, ils viennent râler parce qu'on est assis sur les trottoirs alors qu'il n'y a même pas de banc. Tu te rends compte, il y a des gens, dès qu'on sort, ils sont à leur fenêtre, à nous regarder comme si on était des programmes de télé-réalité. Une des particularités des lycéennes et des jeunes en général est la tendance à rester en groupe. Le groupe, c'est la spécificité de l'adolescence. C'est le lieu refuge. Il y a les affinités éphémères, les disputes, mais plus que tout, il y a l'amitié, la joie et la sororité. Dans l'enceinte du lycée ou à la maison, elles n'ont pas suffisamment d'intimité, alors elles compensent ce manque dans l'espace public. La maison ou le lycée, tu vois, c'est l'espace à partager avec les professeurs, les surveillants, ou bien avec la fratrie et les parents. La rue et l'espace public en général, c'est l'endroit où elles peuvent se soustraire au regard scolaire et familial. L'amitié pour moi aussi a toujours été une ligne d'ancrage. Adolescente, mes points de repère s'appelaient Zoé et Naya. La plage, Caneta et les Joncos étaient un itinéraire sur ma carte. Tu vois les marches à gauche entre l'ancien café Landaillet et la fresque ? Vas-y. C'est ici que les filles aiment s'asseoir. De la seconde à la terminale, elles y ont migré et poussé par les interdits de s'asseoir écrits devant les vitrines de certains commerces et les remarques de quelques personnes au pied des immeubles. Si les lieux gardent la mémoire des événements qui s'y sont déroulés, alors ces escaliers gardent leurs souvenirs et nous parlent d'elles. Vas-y, pose ta main sur le muret. Tu es magnifique. Mes potes, c'est vraiment les bestes. Mais est-ce qu'il le restera en toute ma vie ? Oui. Assis sur ses marches, en sortant des cours, elle croise tous les jours ma grand-mère Janine. C'est leur voisine senior de la résidence des Jardins d'Arcadie. Elles discutent douleur au genou, le temps qu'il fait et le temps qui passe. Elles leur parlent de moi, que certaines des filles ont le même rire et que tout ça, ça nous rajeunit pas quand même. Je l'observe, mais elle ne me voit plus. Écouter les souvenirs de Janine leur donne parfois l'impression d'être née au mauvais moment. Avec l'âge, Janine va d'un point A à un point B. Dans la rue, elle est dans une mobilité perpétuelle. Son point d'arrêt, son lieu de sociabilité avant de retourner à la résidence, c'est ici, quand elle discute avec les filles. Tiens, tu vois la place là, avec les terrasses des cafés ? Tu vas aller au bout de la ruelle pour t'en rapprocher. Pas la peine de traverser la route. Janine venait danser sur cette place avec mon grand-père et ses amis tous les soirs d'été. C'était à l'époque où il y avait encore un kiosque sur la place. Cette place a bien changé depuis. Je n'ai pas connu le kiosque, mais je me souviens des arbres. Je venais souvent sur cette place avec Zoé et Naya. Zoé prenait déjà des photos et Naya rêvait déjà de voyager sur son propre bateau. Et moi ? Moi, j'imaginais pas ce qui allait m'arriver. Zoé était comme les sorcières contre laquelle nos parents nous mettaient en garde. Elle riait fort et était bruyante. Elle est toujours d'ailleurs. Tu pourras peut-être la croiser à une terrasse de ses cafés. Quand elle marche seule dans les rues, certaines des filles d'Icepourdi se protègent des remarques avec leurs casques sur les oreilles. Mais ça ne les empêche pas de sentir les regards se poser sur elles. Chez les jeunes femmes, et les adolescentes en particulier, le groupe apparaît alors comme la meilleure stratégie pour se faire respecter. Elles se sentent plus fortes et adoptent des comportements différents à l'égard des réflexions qu'on peut leur faire. On essaie de se cacher, de ressembler à quelqu'un d'autre, mais intérieurement, on ne ressemble même plus à la personne qu'on était. Avec elles, je peux être moi-même, mais quand je marche dans la rue, j'ai tellement peur de me faire remarquer que même ma manière de marcher est différente. Moi, je suis comme d'habitude dans toutes les situations. On va recommencer à marcher. Alors tu vas descendre tranquillement la rue du port. Reste bien sur le trottoir. Tu vas t'arrêter en bas de la rue avant de traverser le passage piéton, devant le palais de cristal. Tu vas voir, c'est un magasin de déguisement. Marcher tout droit, ne pas s'attarder, ne pas avoir l'air perdu, dégager une certaine confiance en soi sont autant d'injonctions et de stratégies de protection, conscientes ou inconscientes, que les filles adoptent quand elles sortent dans la rue. Adolescente, mon corps a changé très vite, trop vite. Je ne savais pas quoi faire de mes bras, de mes seins et du regard des autres. Je me suis protégée derrière un uniforme, t-shirt ample et pantalon, été comme hiver. J'avais la sensation que mon corps dans l'espace public pouvait me poser un problème. Et je voulais me rendre invisible. C'est un pouvoir que j'ai acquis plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Naya, comme certaines des filles d'Icepourdi, modifiait son attitude et sa démarche en fonction du lieu et du moment de la journée. Zoé, elle, prenait sa place dans la rue, sans jamais modifier sa trajectoire, sans s'écarter au passage d'un homme. Pourquoi ? Parce que je suis une fille, je devrais modifier mon comportement et mon apparence pour être tranquille dans la rue. J'ai le droit d'être comme je veux et je ne veux pas me justifier ou changer mes comportements pour pouvoir être acceptée ou être tranquille. Mais combien d'entre nous avons porté des uniformes comme des capes de protection ? Combien de femmes continuent jour après jour à enfiler un costume quand elles sortent de chez elles ? À se déguiser pour passer facilement du statut de mère à celui d'employée, de fille d'eux. Mais c'est épuisant de porter des costumes, de jouer à tous ces rôles, de redouter de commettre une erreur. Alors parfois, dans le reflet d'une vitre, on entrevoit un moi plus rieur, mais si on arrête, l'autre réapparaît parce qu'il faut bien aller quelque part. Alors on revérifie bien son costume dans le reflet et on continue. Et les autres, ceux et celles que vous croisez dans la rue, passent-ils leur vie à changer de costume ? Et toi, tu connais cette sensation ? Quel genre de costume choisirais-tu ? On va juste vérifier que tu es sur la bonne route. Alors normalement, tu es arrivé au passage piéton. On va continuer à descendre la rue du port pour aller jusqu'au bord de l'eau à Caneta. Fais attention en traversant. Le temps suit un cours linéaire. Chaque événement, chaque rencontre résonne avec les autres événements et les rencontres précédentes. Les amitiés et les amours gagnent en amplitude, s'épanouissent, s'affinent et s'enrichissent. Ce que tu vas peut-être commencer à réaliser avec le temps, c'est que tes enfants deviendront adultes et que vous serez adultes ensemble. Les filles d'Aïspourdi, tout comme tes enfants, vont apprendre des choses que tu ne pourras pas leur enseigner jusqu'au jour où ce seront peut-être elles qui auront des choses à t'apprendre. Si tu t'enfonces dans les eaux de la Bidassoa et plonges dans les profondeurs, les couleurs s'estompent et bientôt ne subsistent que des noirs, des gris et des bruns. Le monde d'en haut devient presque impensable. Qu'en est-il de l'histoire qui sommeille dans l'oubli au fond de la Bidassoa et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Si tu plonges dans les eaux de la Bidassoa, l'histoire est comme un réseau qui s'embranche et s'interconnecte en tous sens, entre passé, présent et futur. Mais l'histoire, tu peux aussi la trouver à la surface. Tu vois les petites barques sur le côté, près de la baie, les batilicous? En 1939, des barques semblables ont porté les personnes qui fuyaient Franco. Et si on retourne plus loin, des barques semblables ont porté vers l'autre côté des femmes pour trouver refuge pendant l'Inquisition. Encore des sorcières. Pierre de Lancre était né pour être inquisiteur. Il flairait le mal partout, le recherchait et l'inventait s'il ne le trouvait pas. Quand il arrive au Pays Basque, il rencontre des femmes gaies et fières. Et de Lancre craint la beauté. Mais ce qui le dérange plus, c'est la liberté dont elles jouissent. À cette époque au Pays Basque, les femmes étaient libres de la tutelle masculine. Les hommes étaient partis pêcher la baleine à Terre-Neuve. Et que peut faire une femme livrée à elle-même sinon le mal ? Des femmes qui dansent de façon indécente, qui prennent des décisions au nom de leur famille et boivent du cidre. Il n'en fallait pas plus à Pierre de Lancre pour déclarer que le peuple du Labour était gangréné de sorcières et justifier ainsi une terrible répression. Beaucoup de ces soi-disant sorcières ou considérées comme telles portent le nom des fermes situées non loin de la baie. Gasta in Aldea, La Parca et Necatio. Toutes les femmes, même celles qui n'ont jamais été accusées de sorcellerie, ont subi les effets de la chasse aux sorcières à travers l'histoire. Elle leur intimait de se montrer discrètes, dociles, soumises et de ne pas faire de vagues. Tranquilles, comme l'eau de la Bidassoa. Certaines des filles d'Aïspourdi, comme mon amie Zoé, sont des sorcières et je les admire. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Elles aspirent, comme d'autres sorcières avant elles, à être libres, à être quelqu'un, sans avoir besoin de se marier, d'être une bonne mère ou une bonne épouse. Certaines des amies de Janine, au jardin d'Arcadie, n'ont jamais eu d'enfants et peinent à en parler. Et pourtant, il y a d'autres manières de transmettre que celle d'enfanter. Le bagage familial est parfois tellement écrasant. La transmission emprunte de nombreux chemins. Chaque existence humaine bouscule une infinité de mécanismes et laisse une empreinte profonde qu'il n'est pas toujours en notre pouvoir de cartographier. Tu peux t'asseoir au bord de l'eau si tu veux. Thank you. Si l'amour tient tout entier dans les souvenirs, et si les souvenirs s'ancrent dans les lieux, alors l'amour s'enracine aussi dans les paysages. Je ne jurerai pas que c'est logique, mais c'est ce que je ressens lorsque je retourne à cet endroit pour y redécouvrir les souvenirs qui me lient à mes amis. Naya partait régulièrement en bateau, et de plus en plus longtemps. Ses absences étaient parfois source de conflits. Je me souviens un jour avoir questionné son attachement à Anda et à notre amitié. « Mets-toi dans la tête que tu n'es pas la seule à aimer la rivière, les montagnes et les nuages gris au-dessus de la baie », m'avait-elle répondu. Andaï, c'est Andaï. Elle ne ressemble à aucune autre ville. Si j'avais une déclaration d'amour à faire, je la ferais à Caneta. Et dans le monde en perpétuel mouvement dont parle Héraclite, ne rêvons-nous pas d'une pause dans un endroit comme celui-ci ? Parfois, quand ça va pas trop, je mets mon casque sur les oreilles et je viens ici à Caneta. J'écoute de la musique et je regarde l'eau bouger. En vrai, je pourrais rester ici des heures, ça me détend. L'hiver, quand il pleut et que je suis dans ma chambre, je ferme les yeux et j'essaye de retrouver la même sensation. Un remous tranquille avant de rejoindre le courant. Voilà ce qu'est cet endroit pour mes amis, pour les filles d'Aïspourdi et peut-être pour toi. Un endroit où nos amis, nos familles peuvent revenir année après année comme les oiseaux migrateurs. Pourtant, le temps ne s'écoule pas en cercle. Il ne reviendra pas là où il était avant. Il tourne comme une spirale au gré des saisons, d'un enfant qui grandit, des rides qui se creusent. Il ne reviendra pas, mais malgré tout, les oiseaux reviendront. La pluie continuera à tomber et les enfants continueront à descendre la rue. Il ne reste qu'à se réjouir que la spirale du temps nous ait emmenés ici et nous satisfaire de la beauté de ce paysage. Tu viens d'écouter un des 5 épisodes de Cartographie des mémoires à Andaï et je t'en remercie. Si tu souhaites en découvrir un peu plus sur Andaï et cette histoire, je t'invite à aller écouter les autres épisodes. Ils se déroulent dans 5 quartiers différents d'Andaï et tu peux les écouter dans l'ordre de ton choix. À bientôt peut-être.